бесконечной, безобразной. В мутном месяце игре закружились бесы разной, будто листья в ноябре. Сколько их, куда их гонят, что так жалобно поют? Домового ли хоронят, ведьму ль замуж выдают? Мчатся тучи, вьются тучи, невидимка луна освещает снег летучий, мутно небо, ночь мутна. Мчатся бесы рой за роем в беспредельной вышине, визгом жалобным и воем, надрывая сердце мне. Александр Пушкин. Бесы. Sans visage, sans image, sous la lune trouble et floue, feuilles qu'en novembre rage, les démons voltigent, fous. Qui les pousse, pourquoi faire? Comme ils chantent, quels sanglots! Ils marient une sorcière, pleurent un génie des eaux. Lourd nuage, noir nuage, une lune errante, lui, éclairant la neige en rage, trouble ciel et trouble nuit. Foule folle à perdre haleine, aspirée par la hauteur, les démons à voix humaine, crient, me déchirant le cœur. Alexandre Pouchkine, Les démons. Les démons, de Fédor Dostoïevski. Traduction, André Markovitch. Adaptation, Olivier Roé et Arnaud Bertina. Une réalisation de Michel Sidorov. Quatrième épisode. Alors qu'il était encore sous le choc des révélations de Lipoutin, Stepan Trofimovitch a été reconnu dans la rue par son ancienne élève, Lizaveta Nikolaevna. Vive et incandescente, la nièce de Varvara Petrovna était habituée à ce que tout le monde plie devant son charme et son intelligence. Elle voulait rencontrer la sœur de Lebiatkin, une boiteuse, épouse cachée de Nikolai Stavrogin. Sous le prétexte de trouver un secrétaire littéraire, elle fut mise en contact avec Chatov, qui habitait la même maison que les Lebiatkin, mais aussi que Kirillov, ce personnage étrange, à la fois sombre et exalté, qui annonce la venue de l'homme nouveau en affirmant que celui qui vaincra la douleur et la peur deviendra Dieu. Le lendemain, c'est-à-dire ce fameux dimanche où devait se décider de façon définitive le sort de Stepan Trofimovitch, fut l'un des jours les plus remarquables de toute cette histoire. Ce fut un jour de surprise, d'explications violentes et d'embrouillamini encore plus graves. D'abord, quand nous nous présentâmes, Stepan Trofimovitch et moi, chez Varvara Petrovna, à 12 heures tapantes, comme elle nous l'avait demandé, nous ne trouvâmes personne. Elle n'était pas encore rentrée de l'église. C'est toute la ville qui s'était rassemblée pour l'office, c'est-à-dire au sens de la couche supérieure de notre société. On savait en effet que la gouverneuse ferait une apparition, la première depuis sa venue chez nous. Elle aurait tout de même pu se montrer plus tôt à l'église. Mais vous savez, c'est une libertine, il paraît. Toutes les dames savaient également qu'elle serait habillée de façon magnifique et avec une élégance extraordinaire. Et c'est pourquoi leurs robes se distinguaient par leur raffinement et par leur faste. Varvara Petrovna était la seule, comme à son habitude, à être vêtue d'une façon toujours modeste et tout en noir. Cela fait au moins 4 ans qu'elle n'a pas changé de robe. Le bateau, dans l'évangile d'aujourd'hui, est une prédiction du mystère de l'Église, comprise comme la nef du salut sur la mer houleuse de la vie dans l'histoire. Le Christ, prêchant dans le bateau, prédit sa présence et son œuvre à travers la parole de son évangile. Notre protopope, le père Pavel, en était environ à la moitié de son prêche solennel quand, soudain, une femme apparut dans l'église. Elle était d'une maigreur maladive, fardée et poudrée fortement avec un cou long, absolument nu, sans foulard. Et elle boitait. Elle avait beau marcher d'un air timide et en baissant les yeux, elle avait en même temps un sourire joyeux et malin. Si elle avait tardé, ne serait-ce qu'une seconde, on ne l'aurait peut-être pas laissée entrer dans la cathédrale. Mais elle eut le temps de se faufiler et, entrée dans le temple, elle se glissa, sans se faire remarquer, jusqu'à l'avant. C'est pourquoi ce n'est pas la compréhension humaine qui aide l'Église du Christ, mais c'est sa grâce, sa présence, que nous devons appeler et invoquer, ainsi que l'obéissance au Christ, même si nous ne comprenons pas son plan de salut. Même s'il semble trop difficile à notre esprit et à notre compréhension, ou peut-être même impossible. Le prêche s'acheva et l'on présenta la croix. La gouverneuse s'avança vers la croix la première, mais elle n'avait pas fait deux pas qu'elle sembla s'arrêter, cédant le passage à Varvara Petrovna. Avec un air de dignité imperturbable, celle-ci baisa la croix et se dirigea tout de suite vers la sortie. Non mais, vous avez vu son chignon? Et cette rose qui est plantée dedans? On dirait l'une de ces décorations pour les chérubins des rameaux. À la sortie, sur le parvis, une petite foule compacte lui barra le passage un instant. Varvara Petrovna marqua un temps d'arrêt et, d'un seul coup, cette femme étrange et qui boitait, s'étant frayé un chemin parmi les gens, s'agenouilla devant elle. Qu'avez-vous, mon ami? Que demandez-vous? Qu'est-ce que c'est? Qui est-elle? Vous êtes malheureuse. Vous cherchez assistance? Je cherche. Je suis venue. Je suis juste venue pour vous baiser la main. Vous n'êtes venue que pour cela? Tenez, voilà pour vous. T'as vu? 10 roubles qu'elle a donné. Votre main, je vous en prie. Varvara Petrovna se rembrunit un peu, et c'est d'un air grave, presque sévère, qu'elle tendit sa main. L'inconnue la baisa avec vénération. Son regard reconnaissant brilla même d'une espèce d'extase. C'est à ce moment même que la gouverneuse parut, suivie par toute la foule de nos dames et de nos hauts fonctionnaires. Mais vous tremblez, vous avez froid. Tenez. « Mettez cela. » Varvara Petrovna ôta de ses épaules un châle noir et fort coûteux, et de ses propres mains, elle en couvrit le cou dénudé de la suppliante, toujours agenouillée. « Mais levez-vous, ne restez pas à genoux. Je vous le demande. »« Où habitez-vous ? » ?»« Personne ne sait donc où elle habite, enfin !»« C'est chez les Lebiatkin, je crois. Chez les Filipov. » Dans leur maison, ils vivent rue de l'Épiphanie. Lebiatkin ? La maison Filipov ? J'en ai entendu parler, je crois. Je vous remercie, mon brave. Mais qui est ce Lebiatkin ? Il se fait passer pour capitaine. Un type, il faut dire, pas prudent. Et ça, à coup sûr, c'est sa sœur. Ce sera échappé, faut croire, à cette heure. Mon ami, vous êtes bien mademoiselle Lebiatkina ? Non, je suis pas Lebiatkina. Mais ce Lebiatkin est-il votre frère? Oui, c'est mon frère. Bon, voilà ce que je vais faire. Maintenant, je vous emmène avec moi. Et puis, de chez moi, je vous ramènerai dans votre famille. Vous voulez venir avec moi? Oh oui, alors! Ma tante! Emmenez-moi aussi avec vous! Lizaveta Nikolaïevna était arrivée à l'office avec la gouverneuse. Mais abandonnant soudain celle-ci, elle avait bondi vers Varvara Petrovna. Oh, ma chère! Tu sais que je suis toujours heureuse de te voir, mais que dira ta mère? Ma tante, si vous ne me prenez pas avec vous, je vais courir derrière votre carrosse et je vais crier. Enfin, Lisa, il faut mettre fin à ça. C'est bien, je te prends avec. Cela faisait un certain nombre de minutes que Stepan Trofimovitch, Chatov et moi attendions Varvara Petrovna chez elle, dans un silence complet, quand soudain, sous le porche, on entendit le fracas d'un carrosse. Nous bondîmes tous les trois de notre fauteuil. Ah. Stepan Trofimovitch, qu'est-ce que c'est que ça? Là, Là, regardez cette femme. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais, chère et excellente amie, dans quelle inquiétude! Les tapis, les tableaux sur les murs, cette jolie fresque. On voit tout de suite que c'est le grand monde. Et tous ces petits objets sur la table. Mais toi aussi, t'es là, Chatouchka? Figure-toi, je te vois depuis longtemps, mais non, je me dis, c'est pas lui. Comment il ferait pour entrer là? Vous connaissez cette femme, Chatov? Oui, madame. Qu'est-ce que vous savez? S'il vous plaît, vite. Bah quoi? Vous voyez vous-même? Qu'est-ce que je vois? Mais alors quoi? Dites quelque chose. Elle vit dans la même maison que moi, avec son frère, un officier, comme ça. Alors? Pas la peine d'en parler. J'en étais sûre. Rien de plus à attendre de vous. Mais que se passe-t-il ici? Pourquoi personne ne dit rien? Je vais finir par croire qu'on me cache quelque chose. Ma tante, dites, vous seriez pas déjà fâchée, hein? Comment? Comment ça, votre tante? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je pensais... C'est comme ça qu'il fallait? Lisa, elle vous appelle comme ça? Ah, parce que vous appelez Lizaveta Nikolaevna Lisa. C'est vous qui l'avez appelée comme ça tout à l'heure. Tenez, j'ai oublié de vous rendre votre châle. M'en veuillez pas pour le manque de respect. Remettez-le tout de suite et gardez-le. Allons, asseyez-vous, buvez votre café et s'il vous plaît, n'ayez pas peur de moi, ma chère. Apaisez-vous. Je commence à vous comprendre. Cher ami... Ah, Stepan Trofimovitch, là, déjà, sans vous, on y perd son latin, alors vous, au moins, ayez pitié. Mais que fait Dasha? Seigneur Jésus! Lisa, qu'est-ce que tu fais? Espèce de petite folle! Varvara Petrovna, ma bonne amie, je viens chez vous pour chercher ma fille. Pourquoi l'avez-vous mêlée et devant toute la ville à votre scandale? À mon scandale? Maman, je vous demanderai d'être plus mesurée. Qu'est-ce que tu dis? Est-ce que c'est à toi de te mêler de l'histoire de cette malheureuse? C'est vrai ou ce n'est pas vrai ce qu'on dit? Toute la ville, vous la faites marcher au pas militaire, mais à ce que je vois, c'en est fini maintenant avec vous. Il faut croire. C'est la vérité qui s'est montrée au grand jour pendant cette semaine. Quelle vérité? Écoute, Praskovia Ivanovna, explique-toi, séance tenante, je te le demande sur l'honneur. Qu'est-ce que c'est que cette vérité qui s'est montrée? Mais la voilà! C'est là qu'elle est assise, la vérité. C'est moi, la vérité? Seigneur Jésus, mais ils sont tous fous ou quoi? Calmez-vous, ma chère, calmez-vous! Ma bonne amie, pardonnez-moi si je suis bête et méchante. Mais elles m'ont énervée comme ce n'est pas possible, ces lettres anonymes, là. Qu'ils vous écrivent à vous! C'est de vous qu'ils parlent. Mais moi, ma très chère, j'ai une fille. Dasha! Assieds-toi, Dasha. Plus près. Voilà. Dis-moi, cette femme, tu la connais? Je ne l'ai jamais vue. C'est sans doute la sœur malade d'un certain monsieur Lebiatkin. Vous aussi, mon ange? C'est la première fois aujourd'hui que je vous vois. Même s'il y a longtemps que j'étais curieuse de vous connaître, parce que dans tous vos gestes, je vois de l'éducation. Et quand mon frère y rouspète, est-ce que c'est Dieu possible que vous lui avez pris de l'argent? Vous, si éduquée, si douce, parce que vous êtes douce. Douce, douce. C'est ce que je pense que je vous dis. Tu comprends quelque chose? L'argent, tu en as entendu parler? Ce doit être cette somme que, sur la demande de votre fils, en Suisse, j'ai pris sur moi de transmettre à ce monsieur Lebiatkin. C'est Nikolaï Vsevolodovitch lui-même qui t'a demandé de le transmettre? Il avait très envie d'envoyer cet argent. En tout, 300 roubles à monsieur Lebiatkin. Et comme lui-même ne savait pas son adresse, il m'a chargé de les lui transmettre. Mais qu'est-ce que c'est que cet argent qui s'est perdu? De quoi cette femme vient-elle de parler? Ça, madame, je ne sais pas. J'ai eu vent, moi aussi, de ce que monsieur Lebiatkin disait de moi, à haute voix, que, soi-disant, je lui aurais pas tout remis. Mais je ne comprends pas ce qu'il veut dire. Il y avait 300 roubles, je lui ai remis 300 roubles. Si Nikolaï Sévolodovitch n'a pas voulu s'adresser même à moi pour cette mission, mais qu'il te l'a demandé à toi, c'est bien sûr qu'il avait ses raisons. Je ne m'estime pas en droit d'être curieuse quand on m'en fait un secret. Ta seule participation à cette affaire m'apaise complètement de ce point de vue, sache-le, Dasha. Mais vois-tu, mon ami, même avec une conscience pure, tu as commis une imprudence, prenant sur toi d'entrer en rapport avec je ne sais quelle canaille. Les bruits répandus par cette ordure confirment ton erreur, mais je ferai mon enquête sur lui. Maintenant, il faut en finir avec tout ça. Le mieux, ce serait, quand il viendra vous voir, parce qu'il va venir, de l'envoyer dans les communs, qu'il joue aux cartes là-bas avec les autres, sur son banc. Et nous, on reste ici, on prend le café. Il faut en finir, je vous le demande, Stepan Trofimovitch, sonnez. Si moi aussi, j'ai entendu le récit le plus ignoble, ou pour mieux dire une calomnie, je... Enfin, c'est un homme perdu et quelque chose comme un forçat évadé. Vous m'avez appelé, madame? Alexei Yegorych, prépare-toi à ramener mademoiselle Lebiatkina chez elle. Monsieur Lebiatkina attend lui-même en bas, mademoiselle Lebiatkina, madame, depuis un certain temps. Et ce monsieur insiste beaucoup pour se faire annoncer. Viens, Lisa, il est temps de rentrer. Attends encore une petite minute, Praskovia Ivanovna, je t'en prie. Tout à l'heure, je me suis emportée et je t'ai dit quelques paroles impatientes. Pardonne-moi. Bien sûr, toi aussi, tu t'es emportée et tu as parlé d'une lettre anonyme. Moi, à ta place, je ne serais pas allée chercher une telle saleté au fond de ma poche. Mais comme c'est toi qui as commencé, je te dirai que moi aussi, il y a 6 jours de ça, j'ai reçu une lettre anonyme. Une lettre de bouffon. Dans cette lettre, une espèce de canaille m'assure que Nikolaï Sévolodovitch, mon fils, est devenu fou et qu'il faut que je craigne une boiteuse qui jouera dans mon destin un rôle considérable. Après avoir réfléchi, et sachant que Nikolaï Sévolodovitch avait un nombre considérable d'ennemis, j'ai tout de suite envoyé chercher une certaine personne, l'un de ses ennemis les plus secrets, les plus vindicatifs et les plus méprisables. Et de sa conversation, j'ai acquis ma conviction sur la provenance méprisable de cette lettre anonyme. Si toi aussi, ma pauvre Praskovia Ivanovna, on t'a inquiété à cause de moi, avec des lettres aussi méprisables... Il va de soi que je suis la première à regretter d'en être la cause involontaire. De plus, j'ai décidé, coûte que coûte, de faire entrer tout de suite cet homme douteux. Maman, je ne pars pas encore. Je vais rester un peu chez Tantine. Je suis venue, madame. Je vous en prie, monsieur, prenez place, là-bas. Là, sur l'autre chaise. Et d'abord, permettez-moi d'apprendre votre nom de vous-même. Capitaine Lebiatkine, je suis venu, madame. Permettez, cette pauvre personne, est-elle réellement votre sœur? Échappée de mon contrôle parce qu'elle est dans cette position. Mais madame, ne vous méprenez pas. Le propre frère n'irait pas souiller dans cette position. Madame, je suis venu remercier pour la générosité montrée sur le parvis. Remercier comme un russe, comme un frère. Madame, vous lui avez donné 10 roubles et elle a accepté, mais c'est parce que c'est vous. Madame, de personne au monde, elle n'aurait... Voici 20 roubles, madame, pour vos gens, madame. Au lac, qu'ils se souviennent de Lebiatkine. Cela, je ne peux le permettre en aucune façon. Madame, permettez-moi de vous poser une question, rien qu'une. Mais une question ouverte, directe, à la russe, du fond du cœur. Vous avez souffert, madame, dans la vie? Vous voulez dire simplement souffert ou que quelqu'un m'a fait souffrir? Madame, ici, là, dans ce cœur. Tellement, tellement de choses se sont accumulées que Dieu lui-même s'étonnera quand il le découvrira au jour du jugement. Madame, est-il possible de mourir seulement de noblesse d'âme? Je ne sais pas. Je ne me suis jamais posé cette question. Ah, vous ne savez pas. Non, vous ne vous êtes pas posé cette question. Bah, si c'est ainsi, tais-toi au cœur désespéré. Ce ne sont là que des allégories stupides. Vous ne pouvez décidément rien dire de plus clair. Madame, je ne suis pas fou. Un de mes amis, une personne des plus nobles, a écrit une fable de Krylov, sous le titre Le Cancrelat. Est-ce que je peux vous la lire, madame ? Lisez votre fable, mais vite ! Il était un cancrelat, cancrelat de souche. Dans un bol, il bascula, un bol plein de mort aux mouches. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est quand en été, les mouches entrent dans un bol. Eh bien, il arrive de la mort aux mouches. N'importe quel crétin comprend ça, et ne me coupez pas, vous verrez. Plein de place prit le cancrelat, et les mouches protestèrent. Notre bol est assez plein comme ça, crièrent-elles vers Jupiter. Pour quel argent, permettez-moi de vous demander, que vous auriez soi-disant reçu de Nikolaï Vsevolodovitch, et que, soi-disant, on ne vous aurait pas remis entièrement, avez-vous osé accuser une personne qui appartient à ma maison ? Calomnie ! Non, ce n'est pas une calomnie ! Madame, il est des circonstances qui obligent à supporter le déshonneur familial plutôt que de proclamer la vérité à haute voix. Il ne se trahira pas, Lebiatkin, madame. Stepan Trofimovitch, sonnez, s'il vous plaît. Lebiatkin, il est rusé, madame. Mais lui aussi, il a son hic. Lui aussi, il a son orage des passions, et cet orage, c'est la bouteille hussarde des cavalières. Et donc, quand il se trouve dans cet orage, madame, là, ça lui arrive. Il envoie une lettre en vers, mais des plus magnifiques. C'est dans cet orage, madame, que Lebiatkin a pu en dire trop, au sujet d'une noble jeune fille, sous forme de la noble indignation d'une âme indignée par les humiliations. Ce dont ont profité ces calomniateurs. Mais il est rusé, Lebiatkin, madame. Il ne se trahira pas. Et puis assez. Assez ! Madame, vos palais magnifiques pourraient appartenir au plus noble des hommes. Mais le cancrelat, lui, ne proteste pas. Monsieur Nikolaï Vsevolodovitch Stavrogin vient de rentrer à l'instant. Il arrive, madame. C'était Les démons de Fédor Dostoïevski. Traduction André Markovitch. Adaptation Olivier Roé et Arnaud Bertina. Avec Simon Duprez, le narrateur, Igor Desavitch, Stepan Trofimovitch Verkhovensky, Aurélie Nusillard, Elisaveta Nikolaïevna, François Siennet, le père Paviel, Christine Gagneux, Varvara Petrovna Stavrogina, Amandine Dewam, Maria Timofeyevna Lebiatkina, Elisar Pantinier, Praskovia Ivanovna, Emeric Le Serre, Chatov, Pauline Chevillet, Daria Pavlovna, Jacques Garci, Alexei Yegorich, Niki Marbeau, Lebiatkin, et les voix de Élodie Vincent, Virginie Braque, Myrène Astré. Bruitage, Bertrand Amiel. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière, Catel Guillou. Prise de son, montage et mixage, Éric Boisset, Nicolas Slimani. Assistante à la réalisation, Lise-Marie Barré. Réalisation, Michel Sidorov. Les démons, roman de Fédor Dostoïevski, traduit du russe par André Markovitch, est publié aux éditions Babel.